Crevel fut ébloui, abasourdi. « Madame, je suis à vous sans condition, » dit-il dans un élan de générosité. « Nous allons examiner l'affaire et, que voulez-vous, tenez, l'impossible, je le ferai. Je déposerai des rentes à la banque et dans 2 heures, vous aurez votre argent. »« Mon Dieu, quel miracle !» dit la pauvre Adeline en se jetant à genoux. Elle récita une prière avec une onction qui toucha si profondément Crevel que Madame Hulot lui vit des larmes aux yeux quand elle se releva, sa prière finie. « Soyez mon ami, monsieur, lui dit-elle. Vous avez l'âme meilleure que la conduite et que la parole. Dieu vous a donné votre âme, et vous tenez vos idées du monde et de vos passions. Oh, je vous aimerai bien, s'écria-t-elle avec une ardeur angélique, dont l'expression contrastait singulièrement avec ses méchantes petites coquetteries. « Ne tremblez plus ainsi, dit Crevel. « Est-ce que je tremble ? Demanda la baronne, qui ne s'apercevait pas de cette infirmité si rapidement venue. « Oui, tenez, voyez, dit Crevel en prenant le bras d'Adeline et lui démontrant qu'elle avait un tremblement nerveux. « Allons, madame, reprit-il avec respect. « Calmez-vous, je vais à la banque. « Revenez promptement. Songez, mon ami, dit-elle en livrant ses secrets, qu'il s'agit d'empêcher le suicide de mon pauvre oncle Fischer, compromis par mon mari, car j'ai confiance en vous maintenant, et je vous dis tout. Ah, si nous n'arrivons pas à temps, je connais le maréchal. Il a l'âme si délicate qu'il en mourrait en quelques jours. « Je pars alors, dit Crevel en baisant la main de la baronne. Mais qu'a alors fait ce pauvre Hulot ? Il a volé l'état. Ah, mon Dieu ! Je cours, madame. Je vous comprends. Je vous admire. » Crevel fléchit un genou, baisa la robe de Madame Hulot et disparut en disant « À bientôt !»